chemins qui vont aux quatre vents. Étang de paysages, trois de vent, tant d'images que pourtant on ne verra jamais. Toi.